Et la bourse Rideau se poursuit jusqu'à jeudi. C'est un rendez-vous vraiment important pour le monde artistique et culturel. En fait, on dit que c'est le plus important rendez-vous francophone des professionnels des arts de la scène en Amérique. Et il ne faut pas se laisser tromper, berner par le nom qu'on a donné à cet événement. Donc, la bourse Rideau, ce n'est pas une remise de prix, mais c'est un peu comme un... On dit le mot bourse, en fait, apparemment, parce que c'est comme un marché où on fait des transactions. Parce qu'effectivement, on essaie de mettre en relation les artistes avec leur public, oui, mais surtout avec les diffuseurs nationaux, avec les producteurs, avec les agents de spectacle. Donc, c'est vraiment un rendez-vous pour les professionnels des arts de la scène. Et là, les disciplines sont multiples, la danse, la musique, le cirque, le théâtre, la chanson. Et ça a commencé, donc, je crois que c'était samedi ou dimanche. Et ça se poursuit jusqu'à jeudi. Et notre chroniqueur numérique a passé la journée hier à la Bourse Rideau. Raymond Poirier, bonjour. Bonjour. Et tu y étais, Raymond, puisqu'il a été question de numérique et de manière assez intense. Là, toute la journée, beaucoup d'ateliers, beaucoup de conférences, parce que ce sont deux univers, celui des arts de la scène et celui du numérique, qui se rencontrent de plus en plus. Qui de plus en plus, et une rencontre qui est de plus en plus incontournable aussi, d'un côté les demandes des spectateurs, en fait, dont ils sont de plus en plus, à tout le moins, sur les médias sociaux, sur les médias numériques, donc ils s'attendent à pouvoir connaître l'offre de leur salle, de leur diffuseur via le web. Des artistes aussi qui de plus en plus sont appelés à utiliser des outils numériques dans leur spectacle pour mettre en valeur différents aspects de leur création, et donc qui vont avoir, avec leur offre de spectacle, mais des besoins techniques de plus en plus spécifiques. Des régions aussi qui essaient de se démarquer, alors qu'on essaie d'utiliser, dans le fond, des offres culturelles pour renforcer notre positionnement. Il y a quand même une compétition par rapport à l'offre touristique. Alors, c'est un peu tout ça. Et dans un contexte où il y en a qui sont très avancés dans la connaissance, dans la maîtrise, dans l'intégration de la chose numérique, et il y en a d'autres qui en sont au tout départ. Donc, on avait, dans la conférence d'ouverture, ça montrait bien, d'ailleurs, cette dichotomie-là où certaines personnes, trouvaient juste normal qu'on arrive avec un événement comme ça, ils trouvaient qu'à la limite, on était même un peu en retard à certains égards. Et pour d'autres, ben, quand on s'est mis à parler d'algorithmes, ils ont levé la main, ils ont demandé, ben, regardez, est-ce qu'on peut prendre deux secondes pour définir, là? Commençons par la base, qu'est-ce qu'un algorithme? Et certains diffuseurs qui disaient, j'ai choisi, par exemple, de me lancer en étant presque exclusivement sur le web, mais dans un contexte régional. Finalement, ça n'a pas marché du tout. Les gens, je les croisais, ils me disaient, mais t'es pas encore ouvert, t'as pas annoncé, t'as pas acheté de publicité dans le journal. Et pour ces gens-là, ben, il y a encore une logique de retrouver, dans le fond, l'offre dans les médias papier, dans les médias traditionnels, parce que eux ne sont pas nécessairement sur les médias numériques. Il faut dire que, selon les régions, l'offre numérique elle-même, ne serait-ce que d'accéder à l'Internet, n'est pas la même. Il y a eu des enjeux de vitesse longtemps. Dans certains endroits, il y en a encore. Et parallèlement, d'autres disait qu'il avait mis en ligne des billetteries, par exemple, et qu'il y avait des gens qui les appelaient presque quotidiennement pour acheter des billets, et ils disaient, regardez, je ne suis pas capable d'aller faire marcher votre billetterie en ligne, ça ne marche pas, pouvez-vous m'aider? Alors, il y a vraiment une grande dichotomie, un grand éclatement, si on peut dire, que j'ai senti hier de la part, surtout du milieu des diffuseurs, parce qu'on s'entend, c'est majoritairement eux qui avaient la parole, qui étaient présents, et on sentait un peu cette volonté d'affronter ce défi, de le relever, mais en des positions de départ extrêmement disparates. Ben c'est ça, quand on parle de numérique au niveau des arts de la scène, c'est très large. Alors oui, ça offre des possibilités intéressantes pour stimuler la créativité des artistes qui vont utiliser des projections, des capteurs sur scène, mais c'est aussi tout simplement faire la promotion des spectacles sur les réseaux sociaux ou, comme tu le mentionnais, ouvrir une billetterie. Et c'est pas nécessairement une chose aisée pour tous les diffuseurs, surtout ceux qui sont situés en région. Et dès le départ, en conférence d'ouverture, Jean-Robert Bisaillon identifie un peu les cinq grands défis, là. Il disait, regardez, d'un côté, c'est dans le fond, les compétences, l'offre technique, peut-être, là, qu'on peut avoir dans les différentes salles. D'un autre côté, il y a la question d'hybridation des pratiques culturelles. Il y a la question d'évolution du marché aussi. Lui donner l'exemple du marché du disque, où on avait dit, quand le disque qui a perdu beaucoup en valeur au fil des dernières années, on s'entend, lui parlait de 33% à peu près de perte de valeur. Mais on avait dit, regardez, ça va être remplacé par l'écoute gratuite et c'est le spectacle vivant qui va prendre un peu la relève. Mais c'est pas encore avéré, à part la perte de vitesse du marché du disque à proprement parler. Donc, il y a ce défi-là aussi, dans la mesure où, d'un point de vue culturel, on compétitionne désormais avec, plus que jamais, avec le domicile, avec les Netflix de ce monde, avec l'idée que, pour certains, même peut-être que et là j'extrapole un peu, mais le budget spectacle, le budget culturel est un peu lié au budget de tablette et au budget Internet, où on fait un peu l'adéquation entre les deux. Il y a les possibilités de promotion qui s'offrent aussi, auxquelles les diffuseurs sont extrêmement intéressés. Et à ça, un enjeu dont il n'y a pas été question, à part en filigrane, mais la question des droits d'auteur, parce qu'on parle aussi de captation, de possibilité de diffusion étendue, mais comme plusieurs l'ont souligné, mais il faudra dans ce cas régler la question des droits d'auteur, car en matière de vidéos sur le web, pour l'instant, c'est encore une zone grise. Donc, on ne sait pas combien on doit payer les artistes ne savent pas, il n'y a pas encore d'entente formelle. Alors ça, c'est un peu la zone grise qui est resté au terme de cet événement-là. On a tenté, par contre, d'éclairer un peu certains pans des préoccupations des diffuseurs là, en lien avec d'autres enjeux. Tu mentionnais, Raymond, la diffusion étendue de certains spectacles. On s'est rendu compte hier que avec les technologies, ben on pouvait faire transporter un spectacle qui s'est fait, par exemple, à Québec ou à Montréal, et le transporter en région grâce, justement, aux nouvelles technologies. Donc, on peut faire de la rediffusion et créer avec ça une nouvelle offre de spectacle en région. Oui, c'est un sondage qui a été commencé du côté de Rideau et qui sera poursuivi auprès des publics, des diffuseurs de manière un peu plus large. On en présente un peu les grands pans, mais c'est essentiellement sur l'idée qu'il y a un train qui est en marche au niveau de la rediffusion événementielle. Donc, spectacle, par exemple, des opéras du Met, des grands orchestres qui sont diffusés en salle de cinéma. Et on essaie de voir s'il y aurait un intérêt à créer des événements autour de diffusion, mais de produits locaux. On a l'exemple des Belles-Sœurs, par exemple, d'un spectacle phare aux Francophonies de Montréal, au festival de jazz, à la limite au festival d'été, pourquoi pas. Également, donc, de dire, ben l'événement peut être partagé, peut être vécu simultanément un peu à partout à travers la province, que ce soit en live ou en différé aussi, puisque dans les sondages, et c'est un peu la surprise d'ailleurs du responsable de cette étude-là, Martin Tétu, qui disait, ben nous, on s'attendait à ce que les gens veulent vivre l'événement en direct, mais en même temps, il y a une grande ouverture en région, notamment face au différé, en disant, ben qu'il y a une certaine simplicité à pouvoir choisir à quelle heure on va aller voir cet événement-là ou avoir plusieurs possibilités horaires plutôt que de vivre simultanément la chose, pouvoir étendre l'offre et le reste. Mais il semble avoir un intérêt. Et c'est un peu l'idée, dans le fond, et ça recoupe aussi des éléments qui ressortaient d'une table avec plusieurs diffuseurs qui étaient présents. Donc, l'idée de profiter du numérique, soit pour développer des nouvelles offres, soit pour renforcer l'offre existante. Donc, dans ce cas-ci, ben évidemment, il y a un coût moindre à rediffuser un spectacle, un coût humain qui est moindre, et ça peut bonifier, dans le fond, l'offre culturelle en région de spectacles qu'on serait pas nécessairement en mesure de déplacer, justement, vers cette région là en raison de coûts élevés et le reste. Parallèlement, le numérique aussi permet de créer des nouvelles offres. Et là, on avait un bel exemple avec Nova Lumina, qui est un parcours de lumière, un parcours intelligent, on pourrait presque dire, donc sur les plages à Chandler. Et la directrice du projet était sur place pour témoigner de l'effet que ça avait eu pour sa région, en fait, où ce projet-là était devenu un moteur pour la ville. C'est une création de Moment Factory. Et donc, elle disait, ben, regardez seulement l'idée que les gens de Moment Factory, qui sont reconnus à travers le monde, qui sont basés à Montréal, arrivent avec leur équipe pour créer quelque chose d'exclusif à Chandler. C'est déjà quelque chose. Les gens ont vu ça passer, voient évidemment à travers les médias, il reste l'offre qui se développe un peu partout à travers le Québec, à travers le monde. On a l'impression d'être dans le bateau et au-delà de l'offre culturelle accrue, on parlait de positionnement touristique, mais il y a aussi une fierté régionale qui ressort du fait d'être dans le coup. Mm-hmm. Si on peut dire d'être dans cette tendance-là et de pouvoir offrir quelque chose d'original, d'exclusif, de novateur ou qu'on perçoit comme novateur au public de passage. Évidemment, donc ça, c'est une belle réussite, mais à ça, ben évidemment, elle soulignait aussi, et d'autres qui étaient présents soulignaient les défis au niveau des employés, parce que ça reste des offres saisonnières, ça reste des emplois saisonniers. La personne qui est engagée peut avoir une spécialité, exemple en son ou en vidéo, mais sera appelée à faire d'autres choses. Donc, il faut avoir des gens qui ont une grande capacité ou une grande capacité à apprendre d'autres spécialités que la leur. Et souvent, ben comme c'est pas nécessairement une offre salariale annuelle, ben ils vont faire un été, peut-être deux, puis après ça, éventuellement, ils vont repartir ailleurs ou ils vont avoir réussi à trouver une job à temps plein. Donc, c'est un peu le genre de défi aussi qu'on a peut-être un peu plus en région comparativement aux salles des grands centres. Oui, c'est ça. Il y a une expertise qui se développe, mais il faut la garder aussi, cette expertise-là. Alors, on parlait des régions. Il y a une volonté, comme tu l'as mentionné, de rapprocher les citoyens, la population, avec les artistes. Et à ce propos, il y a un programme de résidence intéressant qui se fait à Gaspé. Oui, en fait, j'ai trouvé ça inspirant comme exemple. Et je pense que les gens dans la salle aussi l'ont vraiment reçu comme ça. C'est l'initiative de CD Spectacle, qui est le comité de diffusion de spectacles à Gaspé, qui existe depuis très, très, très longtemps. Et ils ont commencé à s'intéresser aux possibilités qu'offre le numérique pour entrer en contact plus direct avec les artistes et surtout pour permettre aux spectateurs d'avoir ce contact-là. Surtout dans un contexte scolaire. Parce que, évidemment, dans un contexte où les jeunes n'ont pas toujours accès à une offre culturelle extrêmement variée, il y a quelques spectacles, il y a des musées, il y a une offre culturelle, mais comparativement à celle des grands centres, il n'y a pas de comparaison possible. Donc, ce qui fait que les étudiants ne peuvent pas décider, les professeurs ne peuvent pas amener leurs étudiants facilement, par exemple, voir un musée d'art contemporain, voir être exposé à des pratiques qui sont pas nécessairement celles qu'on voit à la télévision ou régulièrement à la télévision. Et évidemment, dans un contexte comme celui-là aussi, elle nous rappelait qu'il y a un défi de préparation. Donc, on peut pas non plus prendre un étudiant du secondaire et l'exposer à un spectacle de danse contemporaine et s'attendre à ce qu'il comprenne, maîtrise le langage de ce spectacle-là. Mmh. Il faut le préparer en amont. Et donc, eux ont été chercher des budgets et autour d'un spectacle par année, donc ils forment une cohorte de médiation culturelle, on pourrait dire, 170 étudiants, c'est quand même pas rien. Donc, qui vont se préparer au fil de leur cursus scolaire, donc des textes critiques, des textes d'analyse. Il reste donc essayer d'appréhender, d'apprendre le langage, de faire des pastiches, il reste, mais toujours dans une dynamique de dialogue avec les membres d'une création, donc qui, elle, va venir en fin d'année scolaire à Gaspé. Donc, c'était, par exemple, une première année avec le théâtre Le Clou, une deuxième année avec une troupe de danse contemporaine. Et donc, tranquillement, on explique les différents langages. Les étudiants peuvent poser leurs questions. Avec la pièce des troupes de théâtre, par exemple, il peut avoir une interaction où il y a un comédien qui apparaît, mais en personnage, et qui improvise, on peut dire, ce que son personnage dirait en fonction de ça. Et après ça, les étudiants jouent un peu avec ça dans un exercice où ils essaient de se mettre dans la peau d'un personnage pour dire des choses autrement que comme eux le diraient. Il reste, et quand on arrive à la fin de l'année, il y a une réceptivité accrue sur le spectacle. Il y a une compréhension qui s'est faite tout au fil de l'année. Il y a un intérêt qui s'est fait aussi pour des pratiques non traditionnelles, en fait, hors de celles qui sont plus mises de l'avant dans les médias. Et les gens de CD Spectacle disaient que leur grande satisfaction, c'était de voir, après ça, les gens d'une cohorte qui a fait une année d'exploration là-dessus, parce qu'à chaque année, on présente donc quelques spectacles un peu plus, disons, je dirais pas difficile d'accès, mais qui nécessitent une plus grande préparation, une plus grande ouverture, si on peut dire, de la part de certains publics. Et on en programme donc quand même à chaque année et de voir, dans le fond, les étudiants revenir volontairement par la suite l'année suivante ou lorsqu'ils sont au cégep pour venir voir, pour venir découvrir ces offres-là, parce que le travail cette année d'effort-là a porté fruit et il leur a donné l'intérêt pour cette ouverture-là. Et ça, ça serait pas possible dans un contexte régional en dehors du numérique, même si les moyens de nécessité sont relativement simples. On parle de Skype, on parle de blog et le reste, et c'est des moyens qui doivent rester techniquement simples parce que l'Internet n'est pas nécessairement celui des grands centres. Il y a des défis, c'est pas il y a des ratés, monde, mais c'est loin. Ouais, malheureusement, Internet n'est pas particulièrement développé partout au Québec. Mais en tout cas, c'est une belle initiative, ça, pour éveiller vraiment les jeunes à la culture en région. On a parlé beaucoup, Raymond, aujourd'hui de diffusion, donc du point de vue des diffuseurs et des défis que ça posait pour eux. Est-ce que là, il était question des artistes aussi et des façons qu'ils peuvent intégrer le numérique dans leur pratique, ces artistes-là. En fait, quel est leur rôle au niveau des innovations? Tu semblais dire, hors d'onde, que c'est pas nécessairement les artistes qui vont innover, mais ils vont prendre ce que d'autres ont réalisé comme innovation. Oui, c'est deux points intéressants, mais peut-être, en fait, pour la première partie de ta question, j'irai avec en lien avec la réflexion d'un diffuseur qui est venu au micro pendant un panel d'artistes et qui a dit, c'est moi, je suis un diffuseur, j'ai des petits moyens. Est-ce que pour être dans le coup, si on peut dire, pour pas rater le bateau, il faut que je programme des événements ou que je commande des événements en lien avec le numérique. À ça, les artistes lui ont répondu que Non, en fait, faut pas commencer à faire du numérique une discipline en tant que telle, une discipline en soi. La danse va utiliser le numérique, la littérature va l'intégrer, le théâtre va l'intégrer, la musique va l'intégrer, mais eux déplorent ou semblaient déplorer un peu qu'on semblait percevoir le numérique comme un objectif à atteindre, alors que c'est plutôt une pratique, des outils dans le fond qui sont intégrés de manière disciplinaire et qui favorisent aussi le croisement en discipline, autant à discipline artistique qu'entre art et technologie et pratique informatique et le reste. Donc, il y a une dynamique de croisement qui est possible, mais comme il disait, si on fait le numérique pour le numérique, ben on n'arrivera pas avec une œuvre artistique intéressante, on va arriver plutôt avec une démonstration technologique. Mm-hmm. Et donc, il faut pas dissocier l'outil du message, qu'il faut que ça soit le message, la volonté créatrice qui prime sur l'intégration obligatoire, en fait, d'éléments en lien avec le numérique. Donc ça, c'est pour la première partie. Et pour la deuxième... Donc il y avait rappelle-moi un peu ce que sur quoi tu m'avais lancé, c'était à peu près le sens de ma question. On innove pas pour oui. pour innover là. Et dans le fond, l'innovation, eux disaient, ben regardez, les outils qu'on va intégrer dans les pratiques culturel, c'est pas la culture qui va les développer. Ils vont les développer pour d'autres besoins. Eux donnaient l'exemple, entre autres, de Google, qui fait beaucoup de recherche-création, qui développe des verres de réalité virtuelle et le reste. Le jeu vidéo, qui fait beaucoup de développement, par exemple, sur la 3D et le reste, sur les réalités alternatives. Alors, donc, il y a un peu cette idée que les outils qui vont être ceux des artistes, mais sont développés actuellement pour d'autres champs. Et l'artiste, dans le fond, lui va prendre ce qui existe. Parce que l'art est le reflet de la société. Ouais. Ce qui existe déjà, c'est des outils qui sont de plus en plus courants. Il va les détourner dans un contexte artistique au profit de sa création. Mais ça revient à ce que j'ai. Il faut que la création prime au-delà d'utilisation de l'outil. Les artistes ont toujours été à l'avant-garde. Alors, le meilleur conseil qu'on peut leur donner aux artistes et à leurs diffuseurs, ben dans le fond, c'est de rester à l'affût des nouvelles innovations et des nouvelles possibilités qui s'offrent à eux. Et si ça... ça suscite leur curiosité ou ça suscite leur créativité, alors pourquoi pas ne pas utiliser ces nouvelles innovations. Fort intéressant, donc le mariage entre le numérique et les arts de la scène, ça fait l'objet de nombreuses conférences hier à la Bourse Rideau. La Bourse Rideau qui se poursuit jusqu'à jeudi. Qui se poursuit jusqu'à jeudi, j'allais dire, il y a plusieurs des conférences qui ont été captées aussi, qui seront probablement diffusées sur le web. Alors, si des gens veulent aller fureter un peu autour de ce contenu-là, probablement que sur le site de Rideau, où il y a l'ensemble de la programmation qui est détaillée, il y aura aussi des conférences qui seront mises en ligne. Et on rappelle l'émission spéciale ici même à CKRL à 15h30, Tania Beaumont qui vous présentera plusieurs entrevues avec des intervenants et des artistes de la Bourse Rideau. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine.